C'est la chronique des espoirs de la Ligue nationale de football en vue du prochain repêchage qui approche à grands pas. Ça aura lieu à Las Vegas. C'est pas en fin de semaine, pas cette semaine, mais l'autre. On en parle avec Hugues Fouché. Salut, Hugues. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, Hugues. D'abord, écoute, c'est une année. Cette semaine, on va faire les receveurs de passe et c'est une année vraiment exceptionnelle. Côté receveur de passe, là. C'est, tu sais, les carrières, c'est couscous. Même chose pour les porteurs de ballon. Cette semaine, on va faire les receveurs de passes. Il devrait en avoir beaucoup, beaucoup repêchés. On dit que c'est une belle année. Donc, et les Buckeyes d'Ohio State, normalement, ont vraiment. On devrait avoir deux de leurs receveurs de passes et probablement être sélectionnés assez très tôt, là. Oui. Écoute, j'ai rarement eu autant de fun, Danny, à faire un classement que les receveurs de passe cette année parce que je me rappelle pas d'avoir vu autant de profondeur à une position. C'est assez incroyable. Ouais. Alors, ce que je te suggère, peut-être, c'est qu'on fasse un top 10 à partir du 10e rang. Ouais. On pourrait passer les noms, puis comme ça permettra de voir. Puis écoute, juste pour te dire, là, je veux pas vendre de punch, mais il y a un joueur qui s'appelle David Bell, qui est un super receveur de passe. C'est un gars qui c'est un All-American qui a deux saisons de plus que 1000 verges à Purdue, puis il est même pas dans mon top 10, alors que je l'adore parce que il y en a juste 10 que j'aime encore plus que lui. Alors, pour te donner une idée de la force, là, c'est un gars qui aurait pu, dans certaines années, être dans un top 5. Très bon joueur, mais cette année, il peut même pas appartenir au top 10 tellement il y a beaucoup de bons joueurs. Alors, si on commençait par la 10e position, ça va être un petit peu un choc pour certaines personnes parce que beaucoup de gens l'ont au premier rang, mais pas moi. Je vais t'expliquer pourquoi après. Moi, mon 10e, je l'ai inclus. J'ai failli l'exclure du top 10. Je l'ai inclus. C'est Drake London de USC. OK. Gros receveur de passe de 6 pieds 5, 210 livres. Oui, exactement. La raison pourquoi je l'ai enlevé, Danny, c'est parce que pour moi, le plus gros red flag que tu peux mettre à côté d'un receveur de passe, c'est quand il n'est pas capable de créer de séparation avec les demi-défensifs. C'est normal que écoute, c'est un gros receveur de passe, c'est un spécialiste des attrapés 50-50, mais toutes ses attrapés sont des attrapés 50-50. Puis pour moi, si tu veux être un joueur vedette dans la NFL, il faut que tu sois capable d'être tellement fort qu'au niveau collégial, les demi-défensifs n'ont pas de réponse contre toi, tu comprends? Si tu es toujours couvert au niveau collégial, pour moi, c'est un facteur d'échec. Tu as plus de chances de devenir N'Keal Harry que de devenir Calvin Johnson, mettons. T'sais. Même les gros receveurs de passe qui sont plus des spécialistes du 50-50, tu vas les voir une fois de temps en temps, là, vraiment là, brûler leur demi-défensif, sortir une feinte. Puis le demi-défensif, c'est pas trop ce qui s'est passé. T'sais, sortir le demi-défensif de ses pantalons. Tu vois pas ça avec Drake London. Alors, je sais qu'il est gros, je sais qu'il court vite, je sais qu'il a des bonnes mains, mais je prendrais pas une chance avec ce gars-là. Personnellement, là, dans un top 15 d'un repêchage, là, je pense qu'il va devenir un deuxième, mais je le vois pas comme un gars dominant, alors je l'ai mis dixième. Neuvième, au neuvième rang. Oui, écoute, c'est un gars qui monte tellement au cours des dernières semaines que je l'ai vu, pas plus tard qu'hier, être au troisième rang du classement de Chris Sims, qui n'est pas le dernier venu. Ouais. Alors, c'est un gars qui était complètement en dessous du radar. Ses tapes sont excellents. Alors, c'est Alec Pierce de Cincinnati. Okay. Un autre gros receveur de passe. Mais lui, par exemple, il est capable de créer de la séparation. Il est très rapide. Il a testé extrêmement bien. Ses tapes sont excellents. Écoute, je te dirais, il y a un énorme potentiel. Il ressemble beaucoup à Jordy Nelson physiquement. Okay. Il est pas rendu là, si on s'entend, mais c'est un genre de Jordy Nelson. Sa production est pas si extraordinaire que ça à Cincinnati. C'est pour ça que je l'ai juste mis 9e. Je suis pas aussi high que Chris Sims sur lui. Je l'aurais pas mis dans un top 5. 3e, je trouve ça élevé, mais il a certainement sa place dans le top 10. Il est vraiment, vraiment solide. Okay, numéro 8 maintenant. 8. Oui, John Dotson de Penn State. Okay. Lui, t'as sûrement entendu parler à plusieurs reprises. Écoute, il est excellent. Il y a une chose dans la NFL qui est en train de changer. Pour moi, la position de receveur de passe, elle est en évolution. Puis je vais te dire où ça change. on aime de plus en plus avoir des receveurs de passe qui créent rapidement de la séparation puis qui sont capables de courir avec le ballon dans leurs mains pour faciliter la tâche du corps arrière, tu sais. Ouais. Et Dotson est excellent là-dedans. Donc, ce que j'aime de lui, c'est qu'il obtient, il est très agile, il obtient de la séparation rapidement. Et une fois que le ballon dans les mains, il est excellent, il est capable aussi d'étirer le terrain verticalement. Écoute, je le trouve vraiment fort. La raison pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut que 8e, Danny, c'est que c'est pas un gros physique, gars. Hein? C'est pas très physique, ça, là? Non. Il ne va pas dans le trafic, quoi. Non. Ben, il peut y aller un peu, mais il est amanché comme Kendrell Bourne, à peu près, des Patriots, dans le sens qu'il est pas un peu heureux, mais en même temps, je veux à chaque fois qu'il se fait frapper, tu dis mon disque, il va casser en deux. Mm. C'est qu'il est 5 pieds 11, 185 livres, mais il est fait pas, tu sais, je te dirais qu'ils sont 185 livres, je suis même pas sûr qu'il est si gros que ça. Il est très mince, puis j'aime pas cet aspect-là, parce que sinon, si c'était juste de sa façon de jouer, il serait plus haut que ça, parce que je le trouve vraiment, vraiment solide, mais il est pas très physique. Alors, je l'ai mis 8e, mais ça demeure un excellent joueur. Au niveau 7e maintenant. Oui, les deux prochains, c'est des gars que j'adore, mais qui ont été blessés, puis ça a fait en sorte qu'ils ont pas pu être plus haut que ça. Le 7e, pour moi, c'est John Mechie d'Alabama. OK. Lui, c'est clair qu'il aurait été en première ronde. S'il avait continué à jouer au niveau qu'il faisait avec Mac Jones en 2020, il aurait été un choix de première ronde. Par contre, en 2021, il a été blessé à la fin de l'année, puis également, il a dû partager le travail avec Jameson Williams, qui est un joueur élite, alors ça lui a fait peut-être perdre quelques attrapés. Mais c'est un gars, c'est un autre spécialiste d'avoir de la séparation très tôt dans ses tracés de passe. Il est toujours libre, t'as toujours l'impression qu'il est libre, il a des bonnes mains. C'est pas le plus physique non plus, mais comme slot receiver ou comme Z qu'on appelle, ça veut dire flanqueur, il est parfait pour ce rôle-là, donc John Mechie, numéro 7. OK. Au numéro 6. Hey, ça là, il a été blessé toute l'année, Danny. S'il n'avait pas été blessé, c'était clairement un top 3 repêchage. Okay. George Pickens de Georgia. OK. Talent de première ronde, ça fait longtemps qu'on est tous sûrs qu'il va partir très vite. Mais il a été blessé toute l'année. Il s'est blessé l'année dernière à la fin de la saison. Il a passé l'année sur la liste des blessés. Malgré ça, la plupart des analystes du draft l'ont quand même dans un top 5 ou un top 10 avec raison. Là, c'est tout un joueur de football. Il devrait partir en deuxième ronde, okay, compte tenu de ses blessures, mais c'est sûr que ça aurait été un choix de début de première ronde s'il n'avait pas été blessé. OK. Numéro 5? Ouais, les deux prochains, c'est le même genre de joueur. C'est des Deebo Samuel en puissance. Quand je te dis que la NFL, pour moi, est La position de receveur de passe est en évolution. Mm. Plus ça va, puis plus, hein, te trouves-tu, plus on aime des gars qui sont bâtis comme des porteurs de ballon, qui sont capables, quand ils ont le ballon dans les mains, d'aller chercher des verges après l'attraper, même si c'est pas les meilleurs route runners de l'histoire, un peu comme Deebo Samuel. A.J. Brown avec les Titans, même si Brown est tout ça, donc le prochain, c'est vraiment dans ce moule-là, là. Ceux qui suivent le draft vont peut-être déjà l'avoir reconnu, c'est Treylon Burks d'Arkansas. OK. Donc, j'adore ce gars-là, sérieusement. Quand il a le ballon dans les mains, c'est un monstre. Il a brûlé Alabama pour 160 verges dans son match contre Alabama. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il était dominant sur le terrain. Alabama avait aucune réponse contre ce gars-là. Il est excellent. Le problème, pourquoi je l'ai juste mis cinquième? Comment? Oui. Non, pas tant. Il a mal testé. Il a testé 4.55 okay. au combine, mais c'est pas sa vitesse sur le terrain. Il est plus rapide que ça. Non, c'est parce que les rumeurs, puis ils sont persistantes, les rumeurs, c'est qu'il était pas en forme au combine. Okay. Puis moi, un gars de 21 ans, qui est pas top shape, tu sais, à 40 ou 50 ans, on a le droit, à certains moments de l'année, d'être moins top shape, mais à 20 ans, t'es pas supposé. Fait que moi, ça me fait peur. Et qu'à 21 ans, on dit son taux de gras est un petit peu trop élevé, il est pas en forme, il a mal testé parce qu'il était pas. Alors, il y a un gros red flag sur son sérieux. Mais ça, tu sais, nous, on peut pas l'interviewer, on le sait pas, mais ça me fait peur. Fait que je l'ai juste mis cinquième, mais sinon, je l'aurais peut-être mis plus haut que ça. Parce que ça m'apparaît être le genre de gros receveur de passe que la NFL recherche, là, des Deebo Samuel, ce genre de gars-là, on en cherche. Lui, c'en est un. Il pourrait avoir une belle carrière s'il est en forme. Le quatrième, là, c'est le plus gros riser des derniers mois. Et c'est le même genre, je l'ai mis pour la même raison. Lui, il est deuxième sur la liste de Chris Sims. Je l'ai pas mis deuxième, je l'ai mis cinquième. Mais, excuse-moi, quatrième quand même. Il s'est élevé. Je l'ai peut-être mis un peu élevé, je suis peut-être un peu, mais ses tapes sont hallucinants. C'est Christian Watson de North Dakota State. OK. Je sais que c'est un gars de deuxième division, mais si tu as un Cooper Kupp qui se présente au pêchage, qui venait de deuxième division, tu veux pas le rater, on s'entend. Ce gars-là, écoute, c'est une fois qu'il a le ballon dans les mains, c'est incroyable comment il y a personne qui est capable de le plaquer. Il est gros, il est fort, il court avec de l'attitude, il a des bons tracés de passe. Il est toujours tout seul sur le terrain parce qu'il n'y a personne qui est capable de le couvrir. Puis je comprends que c'est de la deuxième division, mais j'ai rarement vu une combinaison avec autant de talent. Donc, je l'ai mis au quatrième rang avec l'idée de me dire, quand je le regardais, que je le ferais pas passer devant des joueurs plus aguerris parce que j'aime pas trop être trop high sur des prospects comme ça, mais même à ça, j'ai pas pu m'empêcher parce que c'est vraiment un joueur. Son skill set physique est incroyable. Donc, je l'écoute quatrième, puis honnêtement, je pense que ça va devenir une vedette dans la NFL, ce gars-là. OK. Au troisième rang, ben là, tu vois peut-être un peu se dessiner mes trois premiers. Oui. Olave de Ohio State, je l'ai mis troisième. OK. Il est vraiment bon, Olave. Beaucoup de séparation encore là. Moi, c'est mon critère. Si tu veux avoir une chance de dominer dans la NFL, faut que tu domines les demi-défensives de la NCAA. Il faut que tu aies l'impression que les gars se font brûler régulièrement. Puis Olave, c'est assez. Encore là, c'est pas le plus gros gars, mais il est tellement bon. Comparé à Chris Godwin des Buccaneers. Ouais, ça pourrait ressembler. Ouais. Effectivement, Antonio Brown, je ne dis pas qu'il va être aussi bon que ces gars-là, là, mais c'est ce genre de receveur-là, effectivement. Godwin, c'est une bonne comparaison, ça serait un peu son plancher. Je pense qu'il va être à peu près... Godwin, on tient compte aussi des corps arrière avec qui il joue, là, du corps avec qui il joue. Mais oui, ça pourrait être ce genre de gars-là. Donc, c'est sûr que dans une deuxième moitié de première ronde, c'est un bon choix. Master, mes deux premiers... Oui. Écoute, mon deuxième, ça aurait été mon premier s'il n'était pas blessé présentement. Mais j'ai tenu compte du fait qu'il est blessé. C'est Jameson Williams de Alabama. OK. C'est lui qui a les meilleurs tapes, honnêtement. Il est incroyable. C'est un joueur d'une grande, grande qualité, mais actuellement, il a subi une grave blessure. Jameson Williams pourrait jouer aux trois positions. Hein. Il pourrait être un split end, ce qu'on appelle un X, un flanqueur, ce qu'on appelle receveur Z, ou un slot, là, celui qui joue à l'intérieur. Donc, il est très versatile. Il a la rapidité, il a les tracés de passe, il est bon avec le ballon dans les mains. Il est vraiment tout un joueur de football, honnêtement. Mais il est blessé présentement, puis il pourra probablement pas jouer avant la fin de sa saison recrue. OK. La question de l'ami, je te pose, est-ce que tu prendrais-tu une chance sur ce gars-là? Moi, je l'ai mis deuxième parce que mon premier, ça va être évidemment Garrett Wilson d'Ohio State. Donc, t'aurais deux ressorts de passe d'Ohio State qui sortiraient en première. Ouais. Qui sortiraient les trois premiers. C'est quand même bon pareil. Hein? C'est bon pareil, puis je vais être honnête avec toi, c'est tellement serré que j'ai même à un moment donné pensé à mettre John Mechie dans mon top 5. Tu sais, ça a passé proche, là. C'est très serré cette année. C'est, je veux dire, t'aurais pu avoir deux Alabama puis deux Ohio State dans le top 5, ce qui est jamais vu. Mais j'ai pas mis Mechie finalement, là. Je me suis appliqué une petite réserve. Finalement, il a fini septième, mais c'est assez serré qu'il aurait pu quand même peut-être se retrouver là. Mais oui, t'as quand même deux de Ohio State. C'est pas rien. C'est la première fois, je pense, que je mets deux. Excuse-moi. J'avais mis A.J. Brown puis Dickie Metcalf de Ole Miss l'année où ils étaient disponibles. Je pense que je les avais mis 1 et 2 ou 1 et 3. Mais c'est rare que ça arrive. C'est la deuxième fois depuis que je fais les classements. Puis c'est ça. Donc ça, c'est un top 10. ces gars-là sont interchangeables. C'est tellement profond comme repêchage que honnêtement, il pourrait y avoir plusieurs de ces gars-là qui se retrouvent à être des pro bowlers éventuellement, là, ou en tout cas des bons partants. Comment t'en vois sortir en première ronde les receveurs de passe? C'est à peu près 4, 5, 6, c'est à peu près ça qu'on dit, hein? 5. Ouais, peut-être pas mal 5 à peu près. Okay. Ce qui est rare pour une première ronde, mais je m'attends à avoir 4 ou 5, ouais. C'est sûr que je m'attends à voir Wilson, Olave, Javonte Williams. Même s'il est blessé, écoute, il faut juste imaginer, Danny, si Javonte Williams est là pour les Chiefs. Ils sont capables de prendre, sont capables, eux, d'être patients. Ou si un gars de cette qualité-là tombe disponible quand ça va être au tour des Chargers de repêcher, c'est sûr que tu te dis, tu veux pas repêcher un gars blessé, mais imagine avec un bras comme Ebert puis un gars, ça se pourrait, je te dirais à tout le moins, puis peut-être, je sais que... Chris Sims pense que Watson va partir en première ronde. Je te dirais entre 4 et 6, d'après moi, qui vont partir en première ronde. C'est un année exceptionnelle de passe. C'est incroyable. Une année exceptionnelle. Puis j'ai 3-4 cachés que je veux rajouter parce que je ne peux pas t'en parler. Il y en a un que je vais probablement regretter de ne pas avoir mis dans mon top 10. Là. Okay. J'ai déjà mentionné rapidement le nom de David Bell, mais c'est Wendell Robinson de Kentucky. Qui a battu le record cette année de Kentucky pour le plus de verges par la passe puis le plus d'attrapés. Écoute, il est hallucinant. Il a joué comme porteur de ballon avec Nebraska, puis là, il a transféré d'où il vient en Kentucky. C'est un petit joueur, 5 pieds 9, 185 livres, mais ça serait pas le premier. Wes Welker avait cette grosseur-là. Tu sais, Antonio Brown, c'est 5 et 10, 185 livres. T'sais, tu peux jouer dans la NFL, même si t'es petit, mais il est très petit, mais mon Dieu, qu'il est bon. Il est vraiment, vraiment solide. Il est tellement explosif. C'est un joueur que j'adore. J'ai pas pu le mettre dans le top 10, mais j'ai l'impression. Un autre, c'est Kyle Phillips de UCLA. C'est 3 slot receivers que je te nomme, là. Kyle Phillips de UCLA, qui est aussi un très bon pour les tracés de passe. Il ressemble beaucoup à des gars comme Edelman ou Welker. Je te dirais peut-être plus Hunter Renfrow avec les Raiders. C'est le même type qu'Hunter Renfrow, puis d'après moi, il va avoir le même calibre de jeu, mais puis ça, il risque de partir en troisième ou quatrième ronde. Puis Slade Bolden d'Alabama, que moi j'aime beaucoup, là, qui est un autre slot receiver. On le sait, je t'ai nommé parce qu'on le sait que dans des repêchages, Danny, ces gars-là partent plus tard parce que c'est moins recherché, mais t'as toujours certains de ces joueurs-là, même s'ils sont repêchés loin ou même quand ils sont pas repêchés, qui ont du succès dans la NFL, comme des gars, des Welker, des Edelman, ce genre de gars-là. Là. Alors, ça, c'en est 3. Wendell Robinson, Slade Bolden, puis Kyle Phillips. OK. Donc, encore une fois, c'est la SEC et le Big Ten qui sont pas mal en avant. Tu regardes ça, là, c'est pas mal ça, encore une fois, là. Les deux grosses divisions qui vont dominer dans les ressorts de passe. Hugues, la semaine prochaine, on s'en parle pour une autre position? Oui. Notre ami Hugues Fouché qui nous parlait des espoirs de la NFL.